fait inattendu, tel un bouquet de printemps à l'orée d'automne. Un opuscule musical aux multiples facettes, c'est un artefact baroque où la virtuosité s'entremêle à une ironie cinglante. Une satire décadente, une satire décadente, une satire, une satire, une satire. Cette œuvre polyphonique est une symphonie de style brille, un oratorio rapologique, un poème hippopotamique où le verbe coupe un seul, enveloppant de vérités amères, avec une dextérité linguistique digne des orateurs anciens. Chaque mesure est un cas sculpté dans la roche de l'absurde, une crise chronologique des dilemmes contemporains, avec les paradoxes de l'existence et les travers de nos mœurs. Et les travers de nos mœurs, contemporains, contemporains. Et les travers de nos mœurs. Les paroles, en apothéose de l'énigme, sont un labyrinthe sémantique. Un kaléidoscope de métaphores sibyllines où les mots se font prisme. Ces artistes calent, critiquant les illusions sociétales et les idéologies déliquescentes. Le tout est un mélange hétéroclite, une mosaïque audacieuse, un palimpseste de genre, un cadavre exquis, un hommage à la cacophonie contrôlée, une danse macabre politique. Une danse macabre politique. Une danse macabre politique. Une danse macabre politique. Chaque morceau est une pièce d'orfèvrerie, une alchimie de significations enfouies, de sarcasme à peine simulé, un festin de double entendre, un banquier pour l'esprit critique. Une invitation à une introspection acrimonieuse, une catharsis linguistique. Le rythme est tout syncopé dans ton instrument, avec une pendule détraquée, matraquant le temps d'une ère désenchantée où la vanité des actions humaines est une farce tragique. Une mascarade universelle, une danse macabre politique. Les notes des grains de poivre piquantes et subtiles, assaisonnent les oreilles d'un festin volubile. Un sarcasme délicieux d'ironie exquise, une danse macabre politique. Plongé dans une satire incisive, le tout un éloge lumineux avec des domaines, un miroir de notre monde où tout se démène. Dans la crise de la condition humaine, avec une dernière histoire d'égal que son mort d'acide.